Na salimia kila dada na kila nduku mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Na tukuna salimia ikwe banduku na badada beko netufata kwa njia internet. Nous saluons également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Bwana Yesu Kristo aliye Mungu wa vyakweli apate kutubariki sibote. Le Seigneur Jésus Christ qui est le véritable Dieu puisse nous bénir tous. Ombi letu ni ya kusema, notre prière est que vile tulikuja ishikwe vile tutatoka. Comme nous sommes entrés, que ça ne soit pas de la même manière que nous allons sortir. Wetu Mungu ni Mungu wa mashangaisho. Notre Dieu, c'est un Dieu terrible. Ya kabaila ni kutambua kile eko. Ce qui est essentiel est de reconnaître ce qu'il est. Na waamini ya kusema eko katikati yetu. Et crois qu'il est au milieu de nous. Tutaimba kanimbo moya. Nous allons chanter un cantique. Mu collection de cantiques ya zamani ya Lubumbashi. Dans l'ancienne collection de cantiques de Lubumbashi. Ni 268. C'est le numéro 268. Mais mu yetu collection mishwete na numéro kani. C'est pas le numéro dans notre nouvelle collection. Pa ma telephone minona banesha kuiweke na kwa 416. Sur le téléphone c'est numéro 416. Tukiwa ndani kama kurali na sikitumia. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Akika Bwana Yesu Kristu ni Mungu wa kweli. Certes, le Seigneur Jésus-Christ c'est lui le véritable Dieu. Na tukimujua Yesu Kristu véritablement. Et si nous connaissons véritablement Jésus-Christ, tukifanya mapenzi yake. Et si nous faisons sa volonté, na tukikuya na Yesu Kristu maisha yetu. Et si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, Satan ne nous fera rien. Nous serons de véritables chanceliers. Nous serons de véritables honorables. Satan fuira loin de nous. La maladie nous fuira. Les démons s'éloigneront de nous. Seigneur, utusaidie. Bwana, aide-nous. Kukufamu njo kukuchiloko kabisa. C'est parce que nous ne te connaissons pas assez. Mais we nawe, Seigneur. Mais toi, Seigneur. Bako nejifunula kwa mtu. Il faut que tu te révèles à quelqu'un. Mtu banezi kumufundisha. On peut enseigner à une personne. Itakuwa sani ku université. Ça sera comme à l'université. Mais kama we nejifunula. Mais si toi, Dieu, tu te révèles. Seigneur. Bwana. Attache yuwe Biblia. Même si ne connaît pas la Bible. Inenea. Cela suffit. Itakuwa mambo ya mashangaisho kabisa. Ça sera vraiment très étonnant. Utusaidie muhimu kusanyiko ya leo. Aide-nous dans cette réunion d'aujourd'hui. Fanya ko quelque chose. Faites quelque chose. Juu ya dada na nduku. Pour mon frère et pour ma Seigneur, soeur. Seigneur, ikuye sa pédagogie. Ne s'en soit pas comme la pédagogie. Mais ikuye bintu vya upeke. Mais que ça soit des choses. Oui, fanya njua kakumwa jina lako. Vele pour la gloire de ton nom. Na banduku na badada bene tupata kwa njia mtandao. Et les frères et les soeurs qui nous suivent Seigneur, à l'internet. Bwana. Quelque chose. Fanya kitu fulani. Yote na imani. Nous prions avec foi. Muji na Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amina. Tutashimama. Nous allons nous lever. Marc chapitre 4. Marco sura ya ine. Marc chapitre 4 verset 41. Marco sura ya ine mustari ya makumi ine na moja. La Bible dit, Biblia inasema, ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Bakashikwa bote na boga mukubwa. Et dit, na bakasema, quel est donc celui-ci? Uyu basi ni mutu gani? À qui obéissent la mer et le vent? Ule mpepo na bahari iko na muti. Quel est donc ce monsieur? Uyu basi ni mtu gani? Quel est donc cet homme? Uyu mtu ni mtu gani uyu? Il parle. Beko nasema. Il dit silence. Eko nasema kimya. Et la mer. Na bahari. Et le vent. Na mpepo. Se tienne fixe. Biote binasimama. C'est qui? Ni mtu gani uyu? Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, ni le mardi ni le mercredi, aujourd'hui, écoutez. Même ceux-là qui n'ont pas suivi par l'internet, écoutez ceci. L'Esprit de Dieu nous a dit ceci. On mettait l'accent sur quelque chose. Disant. Certes, si une personne connaissait Jésus-Christ, son comportement va changer. Ta vie a changé. Son caractère va changer. Son langage va aussi changer. Ta façon de venir à l'église va changer. Ta façon de chanter comme un boss va changer. Maombi yako itachanger. Ta prière aussi va changer. Nyumba yako itachanger. Ta maison va changer. Ndoa yako itachanger. Ton mariage va changer. Comportement yako vis-à-vis ya bibi yako itachanger. Ton comportement vis-à-vis ton épouse va changer. Comportement yako vis-à-vis ya bwana yako itachanger. Ton comportement vis-à-vis ton mari va changer. Comportement yako vis-à-vis ya bajerani yako itachanger. Ton comportement vis-à-vis tes voisins va changer. Comportement yako vis-à-vis ya bazazi yako itachanger. Ton comportement vis-à-vis tes parents va changer. Comportement yako na mukazi itachanger. Ton comportement même au service va changer. aussi changer. Ton comportement à l'école va changer. Toutes choses deviendront nouvelles. Il faut d'abord que tu les connaisses. L'objectif de toute prédication, de tous les ministères que Dieu envoie, l'objectif du Saint-Esprit, la manière à chercher à ce que chaque frère et chaque sœur puisse parvenir à connaître Jésus-Christ. Il y avait un théologien. Il se moquait à frère Branham. Il lui disait que mais tu ne connais rien de la Bible. Frère Branham lui a dit, je ne connais rien de la Bible, mais je connais l'auteur de la Bible. Je ne connais très bien. Mais connaître les Écritures, je peux ne pas connaître. Connaître les citations, je peux ne pas connaître. Même les Écritures, je peux ne pas avoir été même à Jérusalem, en Israël. Avoir été même à Krefeld, le Dieu de la Bible, je le connais personnellement. Et frère Branham dit, Cela suffit. Et nous souhaitons à chaque frère, que chacun le connaisse en particulier. Cela affectera toute ta vie. Cela changera toute ta conduite. Cela mettra fin à la vie du péché dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Le connaître lui. Kumujua yeye. Et nous avons évolué en Dieu. Naturiendelea na kusema hivi. Prenons des petits exemples de la vie. Tulileta tutu mifano tuloko twa maisha. Tu peux te moquer d'un procureur ne sachant pas qu'il est procureur. Unawezi kumchekelea mwizi bila kujua sema njoo. Unawezi kumchekelea sepe wale bila kujua. Unawezi kumchekelea commandant de la police ne sachant pas que c'est lui le commandant de la police. Unawezi kumchekelea commandant wa polisi bila kumjua sema njoo commandant. Tu peux te moquer de l'acte ne sachant pas que c'est l'acte. Unawezi kumchekelea administrateur bila kujua sema njoo. Où tu en auras la connaissance. Alakini siku ile utajua ton sema njoo fulani. Changera l'égard de l'un ou de l'autre. Namna yako kujiongoza itabadilika mbele ya umoja na mwingine. Tu comprendras que utaelewa ya kwamba il n'est pas n'importe qui. Ana mtu wote wote. Il suffit qu'il lui donne l'ordre. Anaisi tu kuleta amri. Mais je vais retrouver ma difficulté. Je vais me retrouver en difficulté. Ça c'est la vie. Hii ndio maisha. Mais maintenant, pour ce qui est de Christ, c'est la même chose. Tu peux te moquer des choses de Dieu. Très bien. Parce que tu ne le connais pas. Tu peux te moquer des frères et des sœurs. Tu peux être insoumis vis-à-vis de ton mari. C'est correct. Pourquoi? Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Tu veux même briser ta femme. Unaweza ubeula mke wako. Très bien. Ni mzuri. Juu ya nini? Tu ne connais pas Dieu. Jua mjue Mungu. Mais le jour où tu as la connaissance, lakini siku ile utajua, ton comportement changera. Namna yako ya kujiongoza itabadilika. Tu peux te moquer d'un serviteur de Dieu. Unaweza kumchekelea mtumishi wa Mungu. D'un diacre. Wala shemashi. D'un choriste. Wala mwimbaji. D'un interprète de sourds. Wala mtafsiri wa babuku. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Ni jua umjue Mungu. Le jour où tu en auras la connaissance, siku ile utamjua Mungu, ton langage, ton comportement, tabia yako, ta conduite, kujiongoza kwako, itabadilika. En évoluant, on a dit quelque chose. Kuendelea tulisema kote na kitu kingine. Que ya kwamba prenant même les adversaires de Dieu. Tuchugu ata baadui ya Mungu. Satan. Shetani ya adui ya Mungu na mademona. Frère. Nduku. Cela nous donne les grandes leçons. Inatupatia majifunzo mkubwa. Quand on regarde Satan lui-même. Wakati tunamwangalia Shetani yeye mwenyewe. Il déclare. Ule kona sema. Dans Acte 19 verset 15. Matendo 19 mstari ya 15. Je connais Jésus. Mimi namjua Yesu. Ce sont les propres déclarations de Satan. Hii ni misemo ya Shetani yeye mwenyewe. Je connais Jésus. Ninamjua Yesu. En disant ça, mkusema vile, ça prouve que kuna hakikisha ya kwamba beaucoup de respect vis-à-vis du Seigneur. Shetani kuna heshima mingi mbele ya Bwana Yesu. Beaucoup de respect. Kuna heshima sana. Dans le fond de Gadara. Ils étaient très nombreux. Mais quand on regardait l'homme Jésus, il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. C'était un homme quelconque. Mais les démons voyant Jésus, frères, ils se sont mis à genoux. Et quelle était la parole? Autorise qu'on aille seulement dans les cochons. Uturusu tuende ata mubangulube. Oui, comme vous parlez, utasima, mais si toi tu es là, tu vas t'étonner, tu diras, oui, oui, kan... oui. Ah, Dieu. Mais toi tu regardes à l'apparence. Oh, non, leur créateur. Mumbaji wayo. Et ils ont dit, non, non, non, non. Na irisema panda, panda. Ici, apa. La seule possibilité pour nous de rester en vie, demandons qu'on a qui l'ordonne. Amuru. Lui, s'il dit une chose, c'est la vérité. Et ça se fera. Na itafanika. Il ordonne seulement qu'on entre dans le cochon. Tuende mubangulube. Na Mungu alisema. J'accordalise. Mina mitike mwendeni. Amen. Amina. Satan, Shetani, dans une réunion au ciel, mumukusaniko kule kumbingu, il dit à Dieu, anamwambia Mungu, ordonne seulement, ulete tu agizo, uruhusu, unipatie tu dakika kidogo, na huyu Yobo, tu verras ce que je peux. Utaona kile nitamfanya. Et Dieu a dit, na Mungu alisema, wende kumbi, frère. Duku. En un seul jour, la situation de Job a changé. Toute la fortune. Mali yake yote. Job avait des maisons. D'hectares de champs. Des troupeaux de bétail. Les enfants étaient en bonne santé. En une journée, tout a changé. Pourquoi Dieu Dieu a ordonné. Mungu anaruhusu. Si on le connaissait, kama tungemjua, comment Satan peut connaître Dieu mieux que ses propres enfants? Namuna kani Shetani ye anaweza kumjua Mungu mzuri kushindia watoto yake. C'est contradictoire. Ibi akuna namuna kubisikiliza. Comment moi je peux bien connaître Ngoi que même les consoles et autres? Namuna kani mimi naweza kumjua Ngoi mzuri kushindia batoto yake bale kona wa mishina wa munyumba lakini wa mamjue. Dans l'ordre normal des choses. Sawa mzuri ya vitu. Sont les esters les adasa. Les esters na wasasa na wasita. Si tu connais Ngoi, anapachi kumjua mzuri Ngoi. Kushindia yeyote ulashiishi pamoja na Ngoi munyumba moya. En d'autres termes, unamu na ingine ya kusema. Ni wa Kristo. Qui doivent bien connaître Dieu. Joma napashi kumujua mzuri Mungu kumushindia Shetani. Kuliko Shetani. C'est ça la logique. Njomu usawa ni vile. Batoto Alexis banapashi kumujua Alexis. Les enfants d'Alexis doivent connaître bien Alexis. Que tous les enfants du quartier. Les enfants du passé ne connaîtront pas mieux Alexis. Même ceux de chez passé ne vont pas connaître mieux Alexis. Ce sont les évodis et les saintistes qui peuvent dire. Nous connaissons notre papa. Nous, les consuls peuvent dire, nous le connaissons. Nous connaissons son régime alimentaire. Quand il rentre, même quand il ne dit rien, nous savons qu'il faut lui apporter un jus de citron et un jus d'orange. Mais moi, tu seras surpris. Est-ce que tu as demandé ça? Non, il connaît très bien son régime. Et il agisse, c'est l'on qui le connaît. Relation de père à fils. Mapatano ya bubaba na mwana. Bubaba na butoto. Ah, les relations entre père et fils. Ils les connaissent mieux. Ça, ceci, à tout mon Dieu, mon Dieu. Et alors, nous, pourquoi est-ce que nous ne connaissons pas mieux Dieu? Pourquoi est-ce que nous avons été baptisés? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons à la chorale? Pourquoi nous sommes à l'équipe technique? Pourquoi nous sommes des interprètes de sourds? C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Et si cette prédication est apportée, c'est pour que chaque esprit revienne à l'ordre. Que chacun puisse se dire, moi je ne connais pas Dieu. C'est pourquoi je suis venu par témérité manger à la Sainte-Seine. Je connais pas Dieu. Je suis à la chorale, mais c'est je ne mange pas. À la Sainte Sainte, c'est la preuve que je ne connais pas Dieu. Oh, et pourquoi être à la chorale, ce sont des enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent. Mais toi, tu es choriste, tu n'as pas participé. Tu n'as pas participé à la Sainte Sainte. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la parole. Ceux qui ont la témérité à la chorale, ils ont mangé à la Sainte Sainte pendant qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est de la confusion. Il n'a quoi ni mouvuruko. C'est ça la confusion. Dieu il y a mouvuruko ni ille. Amen. Amina. Kumbi. Alors. Frère Branham nous conseille, il dit. Tu comprends ma touche à la réponse à cette question. Jibu kui ulizo. Changera votre destinée. Itabadirisha kuno tapitisha milele yako. La réponse à cette question. Jibu kui ulizo. Vous permettra. Itakurusu. De savoir là où vous irez après la mort. Yawe kuyua kuno taenda kisha wekufa. Amen. Amina. Donc chacun doit avoir une réponse. Manaki kila mumoja wetu anapashikuwa na jibu. Au plus tard dimanche, chacun doit avoir la réponse à cette question. Fakusema tufike musiku ya yenga kila mumoja anapashikuwa na jibu kuyo ulizo. Et dès que tu as la réponse correcte, wakati ilo kuna jibu yenye kweneana, utayana wewe mwenyewe kusema mimi sina mukristo. Tu sauras toi-même que certainement je ne suis pas chrétien ou je suis pas chrétienne. Ou je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Pasteur, ça ce n'est pas question. Nous, j'ai posé des questions. Pasteur, ceci, c'est le Saint-Esprit, c'est quoi? Celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Pangoï. C'est le Père qui donne à ses enfants. C'est la promesse du Père. Ni malako ya baba. C'est la promesse du Père. Ni malako ya baba. Amen. Amina. Si nous les connaissons, si nous faisons sa volonté, si nous marchons avec lui, si nous sommes à lui, Satan, fais mission. Kunaisha kazi yake tamalizika. Kunaisha. Sasa kumbia. Mais comment expliquer que Satan toujours se manifeste? Soit les gens n'ont pas Jésus. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils ne marchent pas avec lui. Ils ne les connaissent pas non plus. C'est ça, non? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La parole doit être apportée. Neno la mungu inapashi kuhubiriwa. Pour ceux qui doivent naître de nouveau. Pour se naître de nouveau. Ceux qui doivent les connaître, les connaître. Ceux qui doivent marcher avec lui. Ceux qui doivent faire sa volonté puissent les faire. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Que le Seigneur vous bénisse. Comment Satan? Namna kani shetani. Peut connaître mieux Dieu. Anamujua mzuri Mungu. Que les propres enfants. Kushindia batoto benye ba Mungu. Hata kumwili. Même dans la chair. Moi je ne peux pas aller chez les pasteurs. Ni Jésus kwenda kwa pastori. Ni yue ma régime bien kushindwa bale ba refuti. Que je puisse mieux connaître son régime de plus que ses enfants. C'est pas correct. C'est pas correct. Ni yue bien maisha ngoi ke dani. Que je connaisse très bien la vie d'Ngoï de plus que son épouse. Mais spirituellement, Mukiro, c'est la scène à laquelle nous assistons. Njo mambo inye ile tu kuna ona leo. Bibi arusi. Ne connaît pas l'époux. Assidu et bon arusi. Avez-vous déjà vu? On demande à la fiancée. Où est ton fiancé? Non, je ne le connais plus. Tu es un fou, un insensé. C'est-à-dire, tu es insensé. L'épouse Bibi Arusi connaît l'époux. Anajua bwana arusi. Si cela n'est pas, kama ina vile, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est ça notre condition. Japo njo hali yetu mule tuko. Connaître les écritures. Ujua maandiko. Connaître les citations. Ujua ma misemo anabi. Connaître les lettres circulaires. Ujua ma barua kusunguka. C'est une chose. Ni kintu. Mais connaître les dieux. Alakini kumujua Mungu. Du message. Ujua des écritures. Wa ujumbe wa maandiko. Et des lettres circulaires. Na wa mabarua kusunguka. Na hiyo ni kitu kingine. Mieux vaut ni mzuri connaître Dieu kumujua Mungu que les écritures. Kuliko kujua paka maandiko. Parce que Dieu Mungu, si tu le connais, kama unamjua, il est lui-même la parole. Yeye mwenyewe ndio neno. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Satan ne peut pas. Shetan ya hashiwezi. Avoir du respect plus que nous. Kuheshimia Mungu kutushindia sisi. Acte 16. Matendo ya Mitume sura 16. Acte 16. Matendo ya Mitume 16. Tufanye nguvu sana. Fournissons un grand effort. Kitukuzio ya Mungu kutupa buzima leo. L'objectif de Dieu de nous donner la vie aujourd'hui. Ma malaria tunalukula tunapona matifoi. Ana malaria ni ma remerciema yote tunalitaka. Tous ces remerciements que nous donnons. Kitukuzio ni tupate kumfahamu Mungu. L'objectif est de connaître Mungu akone tutunza. C'est la raison pour laquelle Dieu nous guérit. Acte 16. Matendo ya mitume sura 16. Verset 16. Mstari ya 16. Comme nous allions au lieu de prière. Sawa vile tulikuwa naenda pa fazi ya maombi. Une servante qui avait un esprit de piton. Kijakazi mwa ule alikuwa na roho ya nyoka. Nyoka. Andote roho ya nyoka ya Shetani. L'esprit de Satan qu'on appelle piton. Ule mwanamke alikuwa na roho ya Shetani. Cette femme était possédée par l'esprit de Satan. En devinant, na kisha mkuvumbula. Mukulakwisha bantu. En devinant ça. Elle gagnait l'argent. Alikuwa anapata fedha mwile namna kulakwisha. Donc Satan, manake Shetani, peut faire la divination. Anawezi kulakwisha. Peut dire des choses. Anawezi kusema bintu. Vrai sur ta vie. Vya kweli mu maisha yako. Sur ton couple. Yulu ya ndoa yako. Sur ton travail. Yulu ya kazi yako. Satan peut dire ça. Shetani anawezi kubilakwisha na kubitaya. Wewe ushona sasa. Vrai. Ne kura pake parce que mais qu'on a besoin, fais-je mungo qu'on a sema. J'ai besoin d'avoir un endroit où Dieu parle. C'est quoi? Où les lichetans qu'on a sema parler? La divination, kula kusha. Fais même aller à 70% la vérité. Inawezi karibu na biakweli, kusema biakweli, na kusema bintu. Dizima biakweli. Akika, biakweli. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu. Aimanisha, sema juu anasema biakweli, anakuwa mungo, apana. Nuna, sika tuasi, mule vengu na profetize. C'est là où on profetize, vite. Une, te voilà. Au yu e mungo. Tu ne connais pas Dieu. Au yu e mungo. Tu ne connais pas Dieu. En devinant, Mukulakusha procurait un grand profit à ses maîtres. Aranzo kupatia mofaida kwa vale bantu. Et cette femme-là, na ule mwanamuke, vint au devant de nous. Akakuja mbele yetu. Et s'est mis à nous suivre. Akaanza kutufuata. Paul et nous. Paulo na sisi. Elle criait. Alikuwa analalamika. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Aba bantu ni batumishi ya Mungu aliye juu sana. Et nous vous annonce la voie du salut. Na bana mitangazia njia ya wokovu. Shetani anajua na ba vrai serviteur. Satan connaît même les vrais serviteurs de Dieu. Neno la kweli. Il connaît même que la véritable parole. A tout kambovo, on la prêche là-bas. Bado benye beko pale. Mais ceux-là qui se trouvent à cet endroit, aba on est qui? Ils ne voient rien. Les femmes insoumises. Banamuke ba kosa kuti. Les hommes adultères. Banaume ba charati. Certains, les dettes non payées. Maman jamandeni a shokuripa. Satan vous dépasse. Namuna kani Shetani ya na mipita na mishindia. Si vous faites baptiser au nom de Jésus. Wewe ale muri baptisiwa mujina ya Yesu. Dieu très haut. Mungu aliye juu sana. Et vous place là où il y a la voie du salut. Na anamiweka pafachi pale peko njia ya wokovu. Là où les gens sont sauvés. Pale bantu beko na okolewa. Bana kombolewa. Vous êtes là-bas. Mungu pale. Satan lui sait que là-bas. Shetani anayua sema pale. Wakati mtu anafika pale na anateka masikio mzuri. Il sera sauvé. Ataokolewa. Satan sait. Shetani anayua vile. Vous y venez, hasta wewe unakuja, unarudia, demoniaque. Paka vile na mademona. Dada, frère. Ma soeur, mon frère. Survivre comme Mungu. Il faut plaider Dieu. Qu'est-ce que c'est vendredi? Demain c'est vendredi. C'est comme en vacances. Nous sommes en vacances. Riri à Mungu. Plaider, prie Dieu, supplie Dieu. Qu'est-ce que le problème de le vendredi a subi? Tu ne connais pas Dieu? Utaufungaga chakula na komba Mungu shuka. Quand est-ce que tu vas jeûner en prière? Frère, je connais comment j'ai cru. Mais il y a réunion de prière chaque vendredi. Huku mkusani kwa maombi kila mkata. Auna ni ku mining. Tu n'es ni au mining. Ni muleta. Tu n'es ni dans un service de l'État. Ni en voyage. 2022 inaïs. 2022 c'est terminé. Murisama, kama unakuwa na kura. Par tes mérites, tu viens même manger à la Sainte-Sainte. Maisha sipo kustahili. Mais tu viens manger la Sainte-Sainte. Alakini hata vile unakuwa kula kumeza ya Bwana. Unaya Mungu. Est-ce que tu connais Dieu réellement? Les réunions de prière sont des convocations solennelles, sont des saintes et solennelles convocations. Nimito takatifu ya Mungu. Ya heshima. Ya heshima. Ya heshima ya Mungu. Mais là, les choses solennelles de Dieu. Zambalala. Non, toi tu fuis. Où on heshima ya Mungu? Est-ce que tu honores Dieu? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais là, combien de fois que vous expliquez ma parole? Mais là, fais un effort pour comprendre et connaître la prière. L'effet de t'absenter de la prière, fuir la prière, c'est une preuve que tu ne connais pas Dieu. Ya mais Mungu. Satan lui connaît. Shetani anamjua Mungu. Satan connaît. Shetani anamjua. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ni watumishi wa Mungu wa biakuli pale. Beko na mitangaza njia ya wokovu na mwingine ya kusema. Si vese kilivudi. Mufuate bibi beko na miambia. Mutapata Mungu. quittez moi, moi qui fais la divination. Munitoke mio mwenye kulagusha. Nous sommes dans l'âge des mains, des vestes, trois boutons. Mais Dieu, à la kini Mungu, c'est ce qu'il existe. Et Dieu qui l'a nalazimisha, apana. Reconnaître lui. Kumujua yeye. C'est ça la vie. Dieu bujima. C'est ça l'écriture. Dieu inye andiko. Marc 1. Marco sura ya kwanza. Marc 1. Marco sura ya kwanza. Verset 23. Nous sommes à makumi mbili na tatu. 22. Makumi mbili na mbili. Ils étaient frappés de sa doctrine. Bariguswa sana na mafundisho yake. Utakuta mpagano anaingia hapa. Vous allez trouver un païen qui entre ici. Dieu va nous virer là. Ah, c'est comme ça qu'on prêche ici. Mais ulize ba vieux sayo. Mais posez la question aux vieux sayo. Anciens de sayo. Benye ba anciens ba makutano. Ba ze ba mkanisa. Ba les anciens. Oh, habitués. Oh, banesha kuzovele ya bio. Nous sommes les muntu ala komela ku fleuve. C'est comme quelqu'un qui a grandi au fleuve. Ça ne l'étonne plus. Quoi que le fleuve puisse rougir. Anenda nkula. Kama on est au fleuve, vous na shanga. Mais si vous arrivez à côté du fleuve, tu seras étonné. Kula kunukane. Là, très loin, là, on ne voit pas dessus. Lui est déjà habitué. Sans lui dire rien. Bah, vieux sayo. Le vieux sayo. Ancien de sayo, comme on dit. Vas-y, va sayo. Tu le verras en asema. Ils étaient frappés de sa doctrine. Bah, les goûts sont sains, on a ma foi. Il enseignait comme ayant autorité. Arrive-toi, on a fondu, ça, au moins, il y a quoi, on a mamlaka. Et non. Pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Mukapatikana mu synagogue yabo mutu moyo ularkwa na pepo mchafu. Fasi Yesu eko. Là où était Jésus. Muntu na man pepo mchafu. Un homme avec un esprit impur. Ya kubeba mandeni. De s'endetter. Kukosa heshima kwa Bwana. Manque de respect à son mari. Kutambukia kwenu. Ta coutume. Fale Yesu eko. Là où est Jésus. Mena tuangalie. Mena. Parce que pour bien connaître Jésus. Jua wako mujua muzuri Yesu. Retournons dans le passé. Turudie mubile vya zamani. Kila ete dans les autres âges. Kila alikuwa mbizana yingine. Voyons ce qu'il est aujourd'hui. Na tuangalie kile eko leo. Koma il agissait là-bas. Namna kani akuwa natenda mule. Koma il doit agir. Na namna kani anapashi kutenda mule. Kizazi. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Maintenant, examinons. Ici, dans cette assemblée, Mouima, là où Jésus se tient, un esprit impur. Comment réagissent les esprits impurs? Namna kani mapepo mchafu kunatenda. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Ni mambo kani katikati yetu, sisi wewe na Yesu wa Nazareth. Unakwaje kutupoteza? Je sais. Mimi najua. Que tu y es. Ya kwamba uko. Le Saint de Dieu. Mutakatifu wa Mungu. En dehors de toi, il n'y a pas de saint. Inje yako hakuna mtakatifu. Tu es l'unique saint. Uko peke yako mtakatifu. C'est toi. Ni wewe Yesu. Et les démons d'aujourd'hui. Na mademona ya leo. Là où Jésus se trouve. Iko pale panapatikana Yesu. M'en fous. Ah, je m'en fous. Habita nifa kintu. Saint Sel, m'en fous ntakuya. Kuri amesa takatifu je ne sais pas me faire rien, je vais aller participer. Confusion. Mufuruko. Confusion. Et na kwa mufuruko. Qu'est-ce qui est arrivé la suite? Nini nilifika kisha. Jésus le menaça. Yesu akamukemea akamfokea na kusema. Tais-toi. Ikala kimya. Sors de cet homme. Na utoke ndani ya huyu mtu. Ici, umu. L'évangile est prêché. Injili na ubiriwa. Les démons résistent. Ma demona inashindana inakangala. Alakini kule. Itombe. Ananguka. Mtu anakuwa normal. Quelqu'un redevient normal. Alakini hapa. M'en fous. Ah, je m'en fous. Ni Yesu ou ni photocopie. C'est Jésus ou bien c'est sa photocopie? Posons-nous la question. Tu dis et le lis. Chapitre verset 34. Nous sommes à toujours dans Marc 1. Pas comme Marco sura ya kwanza. Verset 33 plus tôt. Mustara, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Na mujote muzima ikakusanika mbele ya mlango yake. Beaucoup de gens. Akaponya watu mingi. Il y avait diverses maladies. Bale barikuwa na magonjwa kwa chana chana. Il chasta aussi beaucoup de démons. Akafukuza tena mapepo mchafu ya mingi. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Na ashikurusu mademo na ipate kusema. Bonjour maintenant la question. Pourquoi il ne permettait pas? Tuulize sasa juu anini ashikurusu mademo na. Juu. Les démons. Mademo na. Reconnaissait. Ili mujua. Ah. Arrivé à l'est de l'Odyssée. Ufika mkizazi ya Laodikia. Les démons. Mademo na. Donc le connaître. Inapashu mujua. C'est la logique non? Jo. Kile vile inapashu si, fanika. Si. Alors. Kama bashi kumbi. Jo vile mwivine apache kufanika. Kama mademona kule ilimujua. A l'âge d'Ephèse. Mukizazi ya Efeso. Marchons pendant les âges. Tutembe mbizazi. Arrivé à l'âge de la Odyssée. Ufika mukizazi ya Laodikia. Mademona tena nayo inapache imujue. Là où Jésus se tient. Pale Yesu anasimama. Mademona inapache urudia nyuma. Les démons résistent. Naona kani mademona yoy inakangala. A quelque chose de faux. Huku kintu akiendeke kia bongo. Maintenant comment mangeons-nous la Sainte Seine? Sasa juu ya nini tunakula? Et les démons résistent. Meza ya Bwana na mademona inashindana inakangala. Quelque chose de faux. Frère, Duku. On a montu. Vous allez voir quelqu'un. Cinq bipompa ya kinin. Cinq perfusions de kinin. Malaria n'a résisté. La malaria persiste. Artesunate. Malaria n'a résisté. La malaria continue à persister. Artequick. La malaria continue à résister. Oh. Apana. Fasida. Fasida. Malaria. La malaria continue à résister. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Non. Il faut bien examiner. Nous aussi, nous devons examiner correctement. Nous examiner. Cinq ministères. Maoutoumichi Tana. Message biblique du temps de la fin. Ujumbe en Biblia wakati ya mwisho. Mais les démons résistent. Alakini mademona inashindana. Apana. Non. Nous devons arrêter. Que chacun s'examine. Kila mmoja lichunguze. Éprouvez-vous. Mujipime. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Jumu mpate kujua kama mungariki muimani. Kama muku muimani. Les démons. Ma demona yo. Réagiront comme ça. Itatenda muina muna. Et partiront. Na itaenda. Amen. Amen. Pour bien réfléchir. Jua kufikile mzuri. Allons en conférence. Tuendeni mumukusaniko. Demain, vendredi. Kesho. Mukazitano. Seigneur, Buana, inalomba tusungumuse. Ça demande qu'on entre en conférence. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie. Kama mazambi yenu kama kundu sawa. Venez, damu, mukuje, mukuje. Et plaidons. Na tuongeye. Venez parler. Mukwa museme tusumurie. Et que je vous écoute. Na nilisikie. On trouve tupate jibu. Parce que normalement les démons me connaissent. Kwa kawaida mademona inanijua. Les démons ne peuvent pas persister là où Jésus dit. Ayezi kushindana pale peko Yesu. S'ils persistent. Kama inashindana. Allons à genoux avec Jésus. Tuendeni kumagoti pamoja na Yesu. Posons-lui la question. Tumuulize ulizo. Selon Esaïe 1 verset 18 dit. Ufuatana na Isaya 1:18-19. Ye mwenyewe anaongeza. Si vous avez un peu de la bonne volonté. Kama Mungu wako atana mapenzi. Quelle bonne volonté. Mapenzi kani kidogo. Déjeuner demain est venu. Ya kufunga chakula kesho na kuja kumaombi. Kama Mungu wako na mapenzi mwema. Vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Mutakula matunda mazuri ya inchi. Avez-vous la bonne volonté? Eti Mungu na mapenzi mema. Retrouvons-nous demain. Tupatane kesho. Les autres mais comment au lieu de prêcher ne fait que nous appelle venir demain qu'on te laisse dans cet état où est-ce que tu iras tu connais le nombre de tuyaux qui te restent les jours qui te restent à vivre tu ne connais pas tu veux toujours avoir des excuses pour rester à la maison on mange les foufous des légumes. Usiku unaenda ku toilette, la nuit, tu unalala, unakatika, unachari bukari, usiku toilette, manger, aller aux toilettes, manger, ne voyez pas que nous sommes vraiment dans un jour. Un jour? Non, non, frère José, attention à me compliquer. Oh, frère José, non, lui, attention, le dérange. Et voilà parti. Ma message, panel. Le message. Frère José est rentré à la maison. Est-ce qu'il est rentré à la maison? Et à qui qu'on a rudié kwa Mungu? Kunyumba? Bébéni ma bas, ma instrument. Prenez les bas qu'on a chanté au dé. C'est en vain. Yaboule. C'est en vain. Combien tu réfléchis à l'iléo? Réfléchissons aujourd'hui. Tout fiki l'iléo. Chapitre 3. Suratatu. Marc. Yamako. Chapitre 3. Marco Suratatu. Verset 10. Mustari akumi. Car, kwani? Comme il guérissait beaucoup de gens, sawa vile alikuwa anaponya bantu mingi, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Vale bote barikuwa na magonjwa, barikuwa naanguka chini na kutafuta kumugusa. Cherchons à le toucher demain. Tutafute kumugusa kesho. Amen. Amen. Ceux qui ont des problèmes, qui ne sont pas délivrés, jetez-vous sur ces cherchez à les toucher demain. Si vous ne venez pas, c'est-à-dire, vous m'y en avez taqué à l'ouvre. Manaké toi-même, tu t'es fait la mort. C'est de Dieu. Cherchez à toucher Jésus demain. Tafute kumugusa Yesu kesho. Commençant par moi. Kwanzia kwa mimi mwenyewe. Cherchez à les toucher. Tafute kumugusa. Les esprits impurs. Mapepo mchafu. Le voyait, wakati ilikuwa na muona, se mettait à genoux devant Jésus. Ilikuwa na tuanga magoti mbele ya Yesu. Et se criait. Na ilikuwa na lalamika. Tu es le fils de Dieu. Weye, uko mwana wa Mungu. Tu es Dieu. Uko Mungu. Dans un corps d'homme. Mumwili ya bumuntu. Comment uko kwetu bintu vinajikomplike? Comment expliquer qu'ici chez nous les choses se compliquent? Ni carburant ina motoka ou bien nini? C'est le carburant que vous n'avez pas dans le véhicule ou quoi? Maï ou bien nini? C'est de l'eau ou c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui toi qui endeke? Même un policier. Ata policier. Shikumoya, Yesu pa msalaba. Un jour Jésus à la croix. Anona tout façon gize nengia en pleine journée. Il a vu seulement comment les ténèbres se répandirent en pleine journée. Il a dit certainement celui-ci est Dieu. Celui-ci qui vient de mourir à la croix, il est Dieu. Lui-même, sans être prêché, il a vu seulement les signes. Il a dit, non, certes, celui-ci est Dieu. Malheureusement, c'était trop tard, il ne pouvait, il ne savait quoi faire. Frère, même la femme de Pilate, frère, elle dormait la nuit. Salam na mukos. Elle n'a pas eu de paix toute la nuit. Ah, c'est comment mais je suis troublé. Elle dit comment est-ce que je suis trop troublé comme ça. C'est Dieu qu'on veut persécuter. Alors je vais aider mon mari. Il lui a écrit une petite note vite. Allez donner à Pilate. Garde du corps, on a fait casser. Garde du corps est arrivé. Mais respect. Eshima. Gouverneur. Liwali. Oui. Oui. Tu ne veux pas que je... Non, c'est. Madame m'envoie avec une lettre. Bibi a conjoint à l'entour de la kabarouak. Il a pris la lettre. Qu'il n'y ait rien. Ushikwe na mambo. Entre toi et ce juste. Katikati weye na huyu mwenye haki. Tosha mon mikono. Vraiment, retire tes mains de cette affaire. Celui-là est Dieu. Mina shindo kulala busiku. J'ai manqué à dormir toute la nuit. Mais weye na manzambi na mandel. Mais toi, avec tes péchés et tes dettes, la nuit, toute la nuit, tu ne fais que ronfler. Donc, Bibi Pilate est née de nouveau. C'est-à-dire, la femme de Pilate est née de nouveau. Vous vous insultez avec votre mari. Toute la nuit là, tu as même des sommeils. Tu manges même les boucs. Pendant que la femme de Pilate, elle, elle a manqué de sommeil. Mais ici, mais à les gens boivent. Ils se calomnient. Ils se jurent. Ils vivent dans l'inimitié. Dans la débauche. La nuit. Ils ne sont pas en train. Anaona tu ni millennium. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui toi qui endeke. D'après la Bible. Ufatana na Biblia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui toi qui endeke. C'est ça le labo. Jo ba spirituel. Labo ya kiro ni neno la Mungu. Teste, wakati banatupima. Nous ne sommes pas en bonne santé. Hatuna mwafya njema ya kiro. Pourquoi? Juu ya nini? La femme de Pilate. Bibu wa Pilate. Troublé. Pourquoi? La parole est dérangée. La Mungu la parole est dérangée dans ta vie. Tu dors. Unalala bushingishi. Tu dors. Unalala. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vis pas une vie digne de l'évangile. Mais c'est Christ qui est dérangé. Ni Christ ou le c'est Christ qu'on persécute. Ni Christ ou le c'est Christ que ni Christ ou le sulubisha. Tu es tranquille. Ukutu musalama. Même Judas. Na Judas na a déclaré. Arisema. J'ai livré un sang innocent. Mina toa damu ya sipokosa. Mais toi, alakini weye, malgré toutes ces prédications, ata vile maubiri yote, pakowa, pour se marier, mupagano, tu pars, tu es Judas. Comment toi tu ne comprends pas que tu as l'idrin, ça Judas, namna kania wele wa sema unatoa damu ya sipokosa. Comment tu ne vois pas ça? Namna kania wiyone. Sais-tu pourquoi Dieu t'a gardé pour que tu écoutes aujourd'hui la prédication? Ceux qui ont persécuté l'homme Jésus là-bas, les esprits là, il est maro, sont ici, persécutant la parole, brisant la parole, mais vivant tranquillement. Là-bas, les gens étaient troublés. Mais toi, tranquille. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. La parole est apportée. Pourquoi? Pour que chacun puisse dire non. Jusque-là, moi, je ne connais pas Dieu. Que faut-il faire? Il n'a pas une fois nini. Cherchons tout à foutre à le connaître. Ya kumujua. Osée chapitre 6. Osea sura ya kisita. Osée chapitre 6. Osée sura ya sita. Frère. Duku. Même muntu tu crezer eko na futa bange eko na ipa. Un crezer qui fume du chanvre qui vole. Bila maubiri. Sur la croix sans être prêché. Mwinja kanazi kuchambula neno la Mungu. Son prochain a commencé à insulter la parole de Dieu. Yana sa. Lui a dit non. Acha, acha. Arrête, arrête. Uyu ni Mungu. Celui-ci est Dieu. Wena mi tuku pagano. Toi et moi nous sommes des païens. Uyu ni Mungu ni mtakatifu. Celui-ci est Dieu, c'est un saint. Estime à Mungu. Honore Dieu. Beko na ye wapi Mungu mwenyewe. Ils étaient avec lui, ces gens-là, sur la croix. Ye, beko na reconnaître ce. Uyu ni Mungu. Lui, dis-moi, il a reconnu que celui-ci est Dieu. Na ta kutubu na kubatizwa. Je n'avais pas le temps de me repentir et d'être baptisé. Comme quoi panjo Mungu. Il est là, celui qui est Dieu. Seigneur. Bwana. Souviens-toi de moi. Unikumbuke. Quand tu reviendras. Wakati notarudia. Yesu asema. Jésus a dit, oui. Apa vilombe baptême repentir. Ne demande pas d'être baptisé, de se repentir. Ça suffit tout ce que tu viens de déclarer. Toi et moi aujourd'hui, nous irons au paradis. Maintenant toi, baptisé, être même baptisé, repentance totale, tu t'es même repenti, tout, biote, mais, à la kini, tu ne connais pas Dieu, ah oui, yamujua Mungu, comment un brigand, namuna kani ule mujambazi, dans ces conditions-là, il est allé à kumusalaba, lui a reconnu que ça c'est Dieu, yeye anamtambua sema huyu ni Mungu. Nous, on ne mérite pas de vivre. Nous, on mérite de vivre, d'être châtié comme ça. Mais pas lui. Oui. Et toi, la parole est châtiée, brisée, même dans ta maison. Quand vous suivez les séries télévisées, vous châtiez la parole. Et ton mari et toi-même, vous êtes tranquille. Brigand, ce brigand-là vous dépasse. Il a dit non. La parole de Dieu, on ne peut pas la coincer ici. On ne peut pas la fouler au pied comme ça. Vous parlez selon votre tradition. Le brigand vous dépasse. Na ule mujambazi anamipita. Le brigand vous dépasse. Ule mujambazi anamishindia. Osée chapitre 6. Osea sura yake ya sita. Verset 1, 2, 3. Musari ya kwanza, mbili na tatu. Venez! Kujeni! Retournons à l'Éternel. Tumurudirie wa milima. Car! Kwani? Il a déchiré. Alipasula. Mais il nous guérira. Alakina atatuponya. Il a frappé. Alipika. Mais il bandera nos pieds. Alakina atafunga bidonda. Il nous rendra la vie. Ataturudisha bujima. Dans deux jours. Mumasiku mbili. Le troisième jour. Siku ya tatu. Il nous relèvera. Atatulamusha. Et nous vivrons. Na tutaishi. Devant lui. Mbele yake. Que faut-il faire? Napashi tufanye nini? Connaissons. Tujue. Tumujue. Tumujue. Cherchons. Tutafute. À le connaître. Ya kumujua yeye. Tu es dans cet état-là. Tu es dans cet état-là. Que doit-il faire? Il n'a pas choufani. La Bible répond. Biblia inajibu. Cherchons. Tumutafute. À le connaître. Kumujua. Ta situation changera. Hali yako itabadilika. Cherchez à le connaître. Utafute kumujua. Ta condition choriste. Mambo yako ya mwimbaji. Toi de l'équipe technique. Wewe wa mwekipe technique. Cherchez à le connaître. Utafute kumujua Mungu. Toi interprète de sous. Wewe mutafsiri wa Mungu. Cherchons à le connaître. Utafute kumujua. Notre condition aliyetu itabadilika. Choriste. Mwimbaji. Ta condition changera. Aliyako itabadilika. Cameraman. Cameraman. Ta condition changera. Aliyako itabadilika. Cherchons à le connaître. Utafute kumujua. C'est ça, le connaît. Sa venue. Kuja kwake. Est aussi certaine que celle de l'euro. Iku ya akika paka vile mapambazuko. Je pose la question. Nina uliza. Tuku sa gani? Somno akele? 18h-10. Il est 18h-10. Qui peut douter que demain matin, le matin viendra? Nani ula nawezi kushaki asema asubuye itakuya kesho. Qui peut douter? Nani atashaki? Nous sommes tous sûrs que l'euro, tel qu'il est maintenant nuit, le matin finira par apparaître. La venue de Jésus, comme il y a les ténèbres sur la terre, ça prouve que le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est certain. La nuit annonce le jour. Usiku iko natangaza mchana kuja. La nuit spirituelle. Usiku ya kiroho. Comme il y a les ténèbres dans toutes les églises. Ile kukumagizo makanisa yote. Ni hakikisho ya kwamba Yesu est à la porte. Eko kumulango. Si unabeba kama rendez-vous. N'est-ce pas vous prenez le rendez-vous en disant je fais le casse. Demain, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu es convaincu? Nous allons la nuit, nous allons dormir. Le lendemain finira par venir. Ça venu. Est aussi certain. Comme le matin. Son retour. C'est certain. Ni akika. Paka vile asubuhi kuna kuja. Voilà pourquoi. Njoko amana. Avant sa venue. Mbele ya kuja kwake, mbele ya kurudi kwake. De peste ténèbre. Magiza ya munene sana. Ça annonce que. Iku natangaza ya kwamba. Kurudi kwa Kristo. Est certain. Huku akika. Ça ne va pas manquer. Ayezu kosa. Regardez les ténèbres et dans les églises. Mangareni magiza na makanisa na madunia. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrive. Après, si c'est bon, c'est comme en avril. Nous sommes en avril. Si mon nom a l'air en vous. Voyez-vous, la lune de la pluie, ça prouve quoi? Vous la mouche en attaque. Bientôt là, la dernière pluie. Qui peut douter? Nan, nan, nan, nan, on a eu 6 mois de pluie. Pourquoi mieux ici, t'as eu la preuve. A Kikisho. Et le long coup, j'ai pris un touche à ma fleur. Il y a des herbes qui poussent. Vous la mouche en attaque, pique. Bientôt là, la dernière pluie va s'abattre. Vous pouvez douter de ça? Et non. Les ouïes, chaki, y a pas na. Les signes montrent que nous sommes à la fin. Il y a certaines feuilles qui ont déjà donné des fleurs. Pourquoi? Israël. Israël est dans son territoire. Et comme Jimbo Yake. Ma fleur, il s'est les fleurs ont déjà son territoire. Ça prouve que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et alors, tu vas rester toujours dans cet état? Vas-tu continuer à rester dans cet état? Verset 6. Il dit que je viens, dit ceci. J'aime la miséricorde et non les sacrifices. Qui c'est celui-là? Celui dont son retour ule kuja kwake kwa hakika anapenda nini? Chanta la Coran ni kuimba tu kwaya cameraman ufanye mafilme interprete de sous wala kutafsiri entre l'équipe technique kuwa kwa ekipe ya technique ce sont des sacrifices ile ni makujitoa. Qu'est-ce que lui aime? Hata yeye anapenda nini? La miséricorde. Anapenda rehema. Dans d'autres versions il est dit ukiweza kwingine wasema l'obéissance. Anapenda utiifu. Il aime l'obéissance. Anapenda utiifu plus que les sacrifices. Ushindia masadaka makujitoa. Utakwapa na makamera hivi. Shuishi neno la Mungu. Va rester toujours en filmé. Mais mettez en pratique la parole de Dieu. Ishi neno la Mungu. Connais tous les signes de sous. Mettez en pratique la parole de Dieu. Tu connais tous les cantiques. Mettez en pratique la parole de Dieu. Celui qui vient. Il aime l'obéissance. Anapenda utiifu. Plus que les sacrifices. Kushindia masadaka wala makujitoa. C'est ce qu'il aime. Njoo ile anapenda. Quelle est la phrase suivante? Nini qu'est-ce qu'il aime encore? Anapenda tena nini? La connaissance de Dieu plus que les holocaustes, plus que les sacrifices. Kumujua Mungu kushindia mazabihu wala masadaka. Anapendaka sana. Il aime tellement. Mungu amuyue. Que kuya na manoti ya mingi makarne ndunduma pakapa. Il aime mieux les connaître plus que d'avoir des notes. Frère. Duku. Pale tungare mubonde. Lorsque oui. Nous étions encore là-bas. Dio. Unamuyua Mungu. Connais-tu Dieu? Hakuna kintu. Il n'y a rien. Le temps des tonnerres. Oui, tu étais là. Es-tu chrétien ou pas? Nouvelle lumière. Le temps des nouvelles lumières. Oui. As-tu quel fruit? Tu n'as pas de fruit? Tu n'as aucun fruit? C'est malheureux. Chapitre 5, toujours Osée. Suratan, non pas comme Osée. Chapitre 5. Suratano. Verset 4. Musaria ine. Leurs œuvres. Matendo zao. Ne leur permettent pas de revenir. Aïvarusu kumurudiria Mungu. Maisha bonjena pache. Mena kutembana Mungu vina kwa nguvu. Leurs œuvres, c'est ce qui font qu'ils ont du mal à revenir à Dieu. Malgré cela, ils connaissent. Ils sont restés seulement avec la connaissance. Ils sont restés seulement avec des caméras. Manimbo sa Mungu. Des cantiques. Mais maisha des yabu. Des cantiques, mais leur vie. Ina kombani sa Mungu. Ça s'oppose à Dieu. Chunon. Voyez-vous? Unayua wena bila vitafika mu 70e semaine de Daniel. Tu connais même ceux qui viendront. Ma juma makumi saba. Ne te ramène pas, Dieu. Alakini matendo yako haikurudishe kwa Mungu. Parce que Dieu, l'esprit de prostitution roya bukaba est au milieu d'eux. Iko katikati yabo. Et parce que na sa ville. Aba yuwe Mungu. Aba mtu ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi ils sont dans cet état. Aba yuwe Mungu je pale beko ville mukulu mwa mukipagano mukulu mwa Mungu. Ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi ils sont dans ça. Un pied dedans, un pied dehors. Les raisonnements et de l'autre côté, ils sont encore dans l'église. Maisha nzambi. La vie du péché. Et encore, ils sont dans l'église. Pourquoi ça ne marche pas? Résultat, la boyoy. Matokeo, les labos est là. Qui est prêt maintenant à couper ma dame? Ninani ou le kotayari prendre les remèdes. Moi, je suis prêt de prendre les remèdes. Toi, tu couper votre traitement. Qu'on vienne demain pour prendre les remèdes, les traitements. Qui résultat, la boyoy? Les résultats de la labos est là. Leurs œuvres. Matendo zao. Ne leur permettent pas. Aïva rusu. De marcher avec Dieu. Ya kutembea pamoja na Mungu. Tu qui tembea na Yesu. Si nous marchons avec Jésus. Mon assiette habitante vient de venir vous avez échoué. Vos œuvres prouvent que vous ne saurez pas marcher avec lui. Et toi? Yeni mutakatifu, wewe umuchafu. Quel rapport? Ni mapatano gani? Y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Iku katikani ya uwaki na uzalimu? Le temple de Dieu, le temple de Satan. Ekalu ya Mungu na ekalu ya Shetani? Hakuna. Il n'y a pas de rapport. Kuna kwa kupatana. Il n'y a pas de rapport. Chapitre 4. Sura ya ine. Chapitre 4, Osée toujours. Osée ya sura ya ine. Verset 1. Musari ya kwanza. Écoutez la parole de l'Éternel en face de Cambo. Musikilize nono ya Yehova mweva tote. L'Éternel a un procès avec vous. Yehova yako na bisambo na mweye. Mutenda mutaweza kusamba naye. Vous serez entré en procès avec lui. Dieu a ni. Parce qu'il n'y a point de vérité. Dieu hakuna ukweli. Point de d'obéissance. Hakuna utiifu. Voilà ce qui nous complique aujourd'hui. Point de connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on trouve? D'après le labo, il n'y a que parjure et mensonge. Kulapa kwa bongo. Parjure et mensonge. Oh, je crois Jésus-Christ. On est sa kutubu, ndio. T'es-tu déjà repenti? Oui. Qu'on te baptise, oui. On mangare après. Examine-les après. Mimba. Il va engrosser quelque part. Faux serment. Oh, biapo bia bongo. Parjure, c'est un faux serment. Maraki parjure, biapo bia bongo. Dio. As-tu cru? Pasteur, oui. Parce que je vais chanter à la chorale. Où mon Christ? Es-tu chrétien? Oui. Es-tu chrétien de nouveau? Oui. As-tu le Saint-Esprit? Oui. Faux. Regarde-lui à la chorale. Azobet sakara batu mabaku. Eko nangushisha paka bantu. Kuna kuarisha bantu na pamoja. Na kuarisha bantu. Alakini mwimbaji. Uringeje mkorani. Comment es-tu entré à la chorale? Faux serment. Biapo bia bongo. Point de vérité. Hakuna ukweli. Mensonge. Budanganifu. Ça c'est le résultat du labo Injo, de Dieu. Matokeo ya labo ya Mungu. Et Dieu, na Mungu, c'est la vérité. Ni ukweli. Dieu c'est la vérité. Mungu njo ukweli. Ne c'est pas jure. Unakuwa paka biapo bia bongo. Assassinat. Mauaji. Urskia. As-tu entendu? Mais as-tu appris? Oui, c'est comme ça que Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider comment? C'est assassinat. Ni kuua muntu kule muna muua. C'est assassinat. C'est ni kuua muntu. Auri pe dime tu es assassin. Ne fais pas la dime tu es muaji. On prend la construction. Tu es assassin. Matoleo ya ku majengo. Les assassins n'ont pas droit à la table du Seigneur. Bauaji bana na rusa ya kukaribia kumeza bwana. Mais tu respectes ton mari, c'est tu es assassin. Ukosa heshima kwa bwana yako huku muaji. Pourquoi es-tu venu? Voyez-vous? Tu es assassin, tu viens même participer à la table du Seigneur. Est-ce que nous allons ponctuer par amen ici? Ici, il n'est pas question de vous demander vos amen. Non. Les labos de Dieu, est-ce que toi tu veux te tenir debout là-bas? Frère, donc, dites seulement qu'on me donne les médicaments. Qu'on me donne les remèdes. Je suis malade. Qu'on me donne seulement les remèdes. Qu'on me donne un remède. Bakupe dawa. Qu'on te donne un remède. Qui veut le médicament? Nanou la nataka dawa. Nami. Moi aussi. Maintenant prenez Osée chapitre 5. Mutugwe Osée sura ya tano. On termine par là. Tuteshia pale. Vous qui voulez le médicament. Moi venye kutafuta dawa. Écoutez les donneurs de médicaments ce qu'ils disent. Mumusikie munyana letaka dawa vile kona sema. Osée 5 verset 15. Osée 5 mstari 15. Je m'en irai. Ntaenda. Nitenda na bombari. Tenda na bombari. Je reviendrai. Tarudiriaka. Dama mon église. Mukanisa yangu. Quand? Wakati gani? Jusqu'à ce que les frères et les sœurs se reconnaissent être des assassins. Kufika na pale banduku na bandada batambua asema ni bauaji. Maintenant, je pose la question. Sasa mimi nauliza uliza. Qui est sincère ce soir? Ni nani wa uaji? Magharibi ya leo juu akusema. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Je suis assassin. Ni mtu muaji. Anyoloshe tu mkono yake. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à ce qu'il s'avoue. Kufika na pale baitikie. Ya kwamba tuku vakosefu. C'est alors qu'il peut revenir. Pale njoba na Yesu kurudia. Njoba la ni anaweza kuluria. C'est par là que lui aussi va revenir. Kain, jusqu'à ce qu'il s'avoue. Coupable et cherche ma face. Kufika na pale bata vumbula sema ni bakosefu na batafute uso yangu. Dawa yo ibeko na leta. Le remède de là qu'on vous donne. Un. Kya kwanza. Reconnaissez. Kutambua. Que vous êtes fautif. Ya kwamba ni kumkosefu. C'est pourquoi Mungu ashonokane. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Ya pili. Si muna bamba dawa. Est-ce que vous prenez le remède? Qu'est-ce qu'il faut? Ni nini na pas. Chercher sa face. Kutafuta uso yake. Cherche Dieu comment? Kutafuta kama Mungu je. Jeûne et prière. Kufunga maombi, kufunga chakula maombi. Deuxième point, yadaw. Deuxième remède. Trois. Katatu. Quand ils seront dans la détresse. Wakati watakuwa katika ole. Combien reconnaissent qu'ils sont en détresse? Bangapi wanatambua sembeo katika ole. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Que faut-il faire? Inapashi kufanya nini? Recourir à Dieu. Kumukimbilia Mungu. Wanamukimbilia Mungu namna gani? Kupitia njia maombolezo. Et de prier. Na mafungo na kuomba. Kila mtu abebe dawa. Que chacun de nous prenne le remède. Prenez le remède. Ujikaze. Il faut te forcer. Bien que ça te fait vomir. Funga kumpua. Mais troupa, avale-le. Fais un effort pour l'avaler. Kuya kesho. Venez demain. Bwana anibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Je pose la question comme paradoxe. Nauliza sawa vile nduku paradoxe. Ça goûte. Est-ce que ça goûte? Est-ce que ça goûte? Touche ma main. Mettons-nous debout. Oui, c'est ma toi, c'est Seigneur. Dis seulement, Bwana. Je suis un assassin. Ni comme Waji. J'ai fait un faux serment. Miri la pambaya. Voilà pourquoi. Je commande. Mbisi kufamu. Je ne te connais pas. Namina shindwa kutemba na wewe. Et j'ai échoué de marcher avec toi. Parce que kufamu Mungu. Parce que connaître Dieu. Prenez la dernière écriture. 1 Jean 3. 1 Jean 2. Andiko ya mwisho. Regardez connaître Dieu. Tazameni namna kumfahamu. Comment ça me vient? 1 Jean 2. Yohane wa kwanza sura ya pili. 1 Jean chapitre 2. Oui. Yohane wa kwanza sura ya pili. Tous solennellement. Bote na heshima yote. Lisons ça. Tout sommet. 1 Jean chapitre 2. Yohane wa kwanza sura ya verset 3. Mstari ya 3. Si nous gardons ces commandements, kama tunachunga hii amri yake, nous savons par cela que nous l'avons connu. Tunajua kupitia ile asema ndio tunamjua. Celui qui dit, ula nasema, je l'ai connu, mina mujua, depuis mon bonde, depuis et qui ne garde pas ses commandements, lakini asichunge amri yake, est un menteur, ni mudanganifu. Utayua se mina mfamu Mungu je. Comment est-ce que tu sauras que tu connais Dieu? Pas question de citation. Hakuna mambo akujua misemo arabi. Ni kuchunga neno la Mungu. C'est garder la parole de Dieu. Et la vérité n'est pas en lui. Na ukweli haina ndani yake. Mais, alakini, l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, est véritablement parfait. Il y a kweli kamilifu. En celui, ndani ya ule, qui chante à la chorale, anaimba ukwaya, qui est cameraman, ule anafilmaka, qui est de l'équipe technique, ukwe wa kwe non, technique, apana. En celui, mu, qui garde sa parole, ndani ya ule anachunga neno lake. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit s'il demeure en lui doit vivre comme un Kassaïen. Doit se conduire comme un Katangé. C'est ça. Jofile. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit être insoumis, doit prendre des dettes et ne pas payer, non, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau. Depuis la Pentecôte, c'est comme ça les choses. Tangia au Pentecôte, njopa kivibitu biko. Tombe ni Mungu sana. Prions tous maintenant.